Et on est étouffé des principes. Puis quand tu vis le principe, tu coupes automatiquement la connexion avec ton intelligence.